Le rideau se lève sur une scène défendue, sur son corps étendu, au milieu de ses rêves. En jaune, il pense à elle, et à cette nuit-là, où couché il levait un embargo d'enfant. Spectateurs de théâtre de rue où s'enchaînent sans fin les représentations. À sa parisienne que les nouvelles désespèrent, le pouvoir anesthésie tous ceux qui vivent d'en jouir. Ici, pour mieux s'endormir, il compte les passants qui crient là-bas, aux bouches assoiffées, il pisse la démocratie. S'attire au trou noir et captif il parcourt de sa tête les rues où s'enchaînent sans fin des mots sans raison condamnés spectateurs de théâtre de rue où s'enchaînent sans fin les représentations. Cette femme que les navires caressent comme la main de cet homme qui désormais sans cesse couchera pour les flammes. Les lettres qui ne savent pas sous le pont, ce corps sans âme sous l'œil d'Antargena. Il parcourt de sa tête les rues où s'enchaînent sans fin des mots sans raison condamnés spectateurs de théâtre de rue où s'enchaînent sans fin où s'enchaînent sans fin où s'enchaînent sans fin où s'enchaînent sans fin où s'enchaînent sans fin où s'enchaînent sans fin.